بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فما زلنا في دراسة الفصل الرابع ونسأل الله جل وعلا التوفيق والسداد. قال المصنف رحمه الله تعالى: فضل الصلاة وفوائدها. فضل الصلاة وفوائدها. وقد وصلنا إلى قول المصنف، توقفنا عند قوله: والصلاة أول ركن عملي فرض على المسلمين وأول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة من حقوق الله جل جلاله. Donc on va continuer inshallah sur l'étude du livre de la description concernant la description de la prière. On est toujours sur l'étude du quatrième chapitre. Dans la dernière assise, on a commencé l'étude du quatrième chapitre. Et dans ce dans ce quatrième chapitre, l'auteur nous enseigne les mérites et les vertus, les bienfaits de la prière. Les mérites et les bienfaits de la prière. On s'était arrêté lorsque l'auteur nous dit que cette prière, c'est le premier pilier lié aux actes, lié aux œuvres. Comme vous savez, il y a des adorations qui sont des adorations qui sont corporelles, qu'on appelle badani, liées aux actes, amali. Il y a des actions, ce sont des actions liées à la parole, comme le premier pilier de l'islam. C'est une attestation, c'est un témoignage, donc c'est qawli. Le deuxième pilier, il est amali, c'est une œuvre. C'est une œuvre. Et donc, l'auteur nous dit que la prière, c'est le premier pilier lié à l'œuvre. Fardha 'ala al-muslimin, qui a été prescrit aux musulmans. Wa awwalu ma yuhasabu 'alayhi al-'abdu yawm al-qiyamah, au yawm al-qiyamah. Et la première chose dont le serviteur rendra compte le jour de la rétribution, vous avez vu, l'auteur a bien spécifié, il dit min huquqillahi. Parmi les droits d'Allah, c'est-à-dire les devoirs qu'on a envers le Créateur. Pourquoi ? Parce qu'il y a les devoirs qu'on a envers le Créateur, qui font partie de ce que le Cheikh nomme ici, Hukukullah, les droits du Créateur, mais il y aura aussi les choses, un jugement lié aux devoirs et aux droits d'autrui, des autres. La première chose dont le serviteur sera jugé concernant les droits du Créateur, as-salah. As-salah. Sinon, on a un autre hadith où le prophète Hassan nous dit, là il est dit dans le récit, awwalu ma yuhasab al-abdu. La première chose dont il sera interrogé, il rendra des comptes. Et dans un autre récit, on a awwalu ma yuqda alayhi al-abd. La première chose dont le serviteur sera jugé, fiddima. Le prophète Hassan dit, concernant le sang. Ça, c'est lié aux affaires humaines, c'est-à-dire les droits des êtres. Pour ça, l'auteur a bien spécifié, la première chose qu'on rendra des comptes concernant hukukullahi azza wa jal, la prière. Donc, parmi nos actions et nos actes d'adoration, la première chose qu'on rendra des comptes parmi nos devoirs, c'est la prière. Par contre, dans l'autre récit, la première chose qu'on rendra des comptes dans les litiges concernant le droit des autres, où il sera jugé, fiddima. C'est pour ça, dans un récit, il est dit que tant que la personne n'a pas versé de sang, il est à l'abri. Il est dans un bien immense. Il est à l'abri. Pourquoi ? Parce que ceux qui ont versé le sang devront rendre des comptes sur cela. Il ne faut pas prendre cela à la légère. Donc pour cela, l'auteur spécifie bien. أَوَّلُ مَا يُحَاسَبُ عَلَيْهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ حُقُوقِ اللَّهِ مِنْ حُقُوقِ اللَّهِ. Donc les devoirs, les adorations qu'on doit accomplir envers Allah, la première chose qu'on rendra des comptes, c'est sur la prière. Et là, c'est pas en vain que l'auteur cite cela. Ça veut dire que vraiment, la prière a une place et un rang immense. On sera jugé, la première chose sera la prière. C'est pour ça qu'il est souvent étonnant qu'on s'occupe de certains sujets qui font pas partie des priorités pour le croyant. Et on a une attention particulière pour des sujets qui font pas partie des priorités pour le croyant, on sera pas jugé dans un premier temps sur ces choses, et parfois ces choses-là, on sera pas jugé sur ça. Parfois, on est attentif à des sujets, on sera pas jugé sur ces sujets. Allah va pas nous interroger sur ces sujets. Par contre, les choses où on sera interrogé, les choses très importantes, par exemple, comme ça, parfois, Shaitan, il va nous faire négliger la chose qui est à une priorité, et on va se concentrer, accorder toute notre attention sur une chose dont même parfois on ne sera pas jugé. Et parfois même, on est en litige, parfois on se divise, on est en discorde, pour des choses où on ne sera pas jugé. Il n'y a pas lieu de se diviser pour ces sujets-là. Par contre, as-salah, la prière. قال النبي صلى الله عليه وسلم et l'auteur se base sur le récit إن أول ما افترض الله على الناس من دينهم الصلاة. La première chose qui a été prescrite aux hommes dans leur religion, dans le culte, الصلاة, la prière. وآخر ما يبقى الصلاة. Et la dernière chose qu'il restera, الصلاة. وأول ما يحاسب به الصلاة. Et la première chose dont il sera jugé, la prière. Vous avez vu, c'est carrément, clairement plutôt, stipulé dans le récit. Et ce récit-là, vous pouvez le retrouver dans certains recueils, comme une partie qui est mentionnée dans Kitab al-Salah, Inda Abi Daoud, une aussi dans Kitab al-Salah, le livre de la prière dans le recueil de l'imam Tirmidhi, dans le chapitre Babu Maja'a, أن أول ما يحاسب الباب والنسائي في كتاب الصلاة باب المحاسبة على الصلاة. Et l'imam Nasa'i aussi dans son recueil, il mentionne le récit. Donc dans Tirmidhi, vous retrouvez dans le Kitab al-Salah, dans le livre de la prière, باب ما جاء أن أول ما يحاسب والنسائي في كتاب الصلاة باب المحاسبة على الصلاة المحاسبة على الصلاة وابن ماجة في كتاب إقامة الصلوات. Et vous retrouvez aussi dans le recueil de l'imam Ibn Majah. Ibn Majah, باب ما جاء في أول ما يحاسب, dans le chapitre concernant la première chose dont le serviteur sera jugé, sera interrogé. Vous avez vu dans ces différents recueils qu'on a cités, même les grands imams, pour ça il est pertinent de le citer, dans leur chapitre, vous avez vu, ils ont intitulé « La première chose dont le serviteur sera jugé ». Donc cette déduction-là, elle était faite déjà dans les premiers siècles, vu l'importance du récit. Pour ça, même dans leur recueil, vous avez vu dans la classification de leur chapitre, comme on vient de le voir pour l'imam Tirmidhi, dans le livre de la prière, comme on vient de le voir pour l'imam Nasa'i, comme on vient de voir pour l'imam Ibn Majah, dans leur recueil, ils ont consacré justement un chapitre concernant la première chose dont le serviteur sera jugé. Et dans Ibn Majah, vous retrouvez cela dans le livre Iqamat al-Salah, ou Iqamat al-Salawat, l'accomplissement des prières. Donc si vous voulez revenir à Tirmidhi et par exemple, An-Nasa'i, vous retrouvez ça dans le livre de la prière. Parce que vous avez vu, à la fin, dans le sommaire, vous retrouvez différents. Ils mettent livre de la foi, livre de la purification, livre de l'Iman, Kitab l'Iman, livre de la prière. C'est dans le livre de Kitab al-Salah que vous retrouvez ce chapitre. Awwal ma yuhasab al-abd. Et par contre, dans Ibn Majah, vous allez le retrouver dans le chapitre Iqamat al-Salawat. Iqamat al-Salawat. L'accomplissement, de manière relative à une traduction, l'accomplissement des prières. Chapitre concernant l'accomplissement des prières. Ensuite, le prophète enseigne dans le même hadith. إن أول ما افترض الله على الناس من دينهم الصلاة وآخر ما يبقى الصلاة وأول ما يحاسب وأول ما يحاسب به الصلاة ويقول الله انظروا في صلاة عبدي فإن كانت تامة كتبت تامة وإن كانت ناقصة يقول انظروا هل لعبدي من تطوع فإن وجد له تطوع تمت الفريضة. Et dans ce récit, on avait terminé la traduction hier, en la lisant. La première des choses qu'Allah a imposées aux hommes, comme il est dit dans la traduction du récit, en matière de religion, est la prière. Et la dernière chose à rester sera la prière. Aussi, la première des choses dont on devra rendre compte est la prière. Il est dit dans le récit. Vous avez compris pourquoi les auteurs de différents recueils et compilations de hadiths on mentionnait ce hadith dans le chapitre la première chose dont on sera jugé. Al-Muhasaba. Muhasaba, c'est le fait de rendre des comptes. Ensuite, il est dit dans le récit, Allah dira, regardez la prière de mon serviteur. Si elle était parfaitement accomplie, elle sera considérée comme tamma. Dans le texte arabe, il est dit, elle sera considérée comme tamma, traduite par parfaite. Elle sera considérée comme complète, parfaite. Et si elle était naqisa, le terme qui est cité dans le hadith, naqisa, c'est-à-dire incomplète, il dira, voyez si mon serviteur a accompli des prières surérogatoires. Des prières surérogatoires, c'est-à-dire qui ne sont pas obligatoires. Et si on lui trouve des prières surérogatoires, at-tatawwa, elles compléteront les prières obligatoires. Elles compléteront les prières obligatoires. Et là, ça nous fait un rappel sur les prières surrogatoires. Et pour cela aussi, parmi les bienfaits des prières surrogatoires, on voit que les prières surrogatoires, elles compléteront le manque et le khalal, la déficience qu'on aura dans les prières obligatoires. C'est pour cela qu'il faut des prières surrogatoires, des prières qui ne sont pas obligatoires. Pourquoi ? Parce qu'elles vont combler le manque qu'on a et le naqs qu'on a concernant les prières obligatoires. Mais aussi, parmi le fawaid des prières surrogatoires, c'est une protection. C'est une protection. Celui, par exemple, alladhi yuhafiz ala an-nawafil, par exemple, celui qui est vraiment assidu dans l'accomplissement des prières an-nawafil, par exemple, les prières qu'on fait avant ou juste après les prières obligatoires, qui sont vraiment liés, ces prières surrogatoires qu'on fait. Les 12, par exemple, dans un récit, le prophète Ansem nous dit, celui qui prie les 12, Allah lui bâtit Baytan fil Jannah, une demeure au paradis. Celui qui accomplit ces 12-là par jour. Ce sont ce qu'on appelle Ar-Rawatib. Ar-Rawatib. Ces prières-là surrogatoires qui sont liées. Qui sont liées. Par exemple, celui qui préserve ses prières, qui ne sont pas obligatoires, elle n'arrive pas au degré de prière obligatoire, mais qui les préserve, c'est une protection pour ces prières obligatoires. De sorte que Shaitan, qui ne peut pas d'un coup faire arrêter la prière de la personne, de l'individu, Shaitan, son but, c'est que la personne délaisse. Il va œuvrer pour que la personne, petit à petit, progressivement, délaisse sa prière. Et lui, s'il voit qu'il ne peut pas t'attaquer sur tes prières obligatoires, alors il va t'attaquer sur tes prières surrogatoires, progressivement. De sorte que lorsque tes prières surrogatoires, ensuite, sont empiétées, de sorte qu'elles commencent à disparaître, ensuite, il te reste les prières obligatoires. Et là, il va t'attaquer sur les prières obligatoires. Ça fait partie des stratagèmes et des ruses d'Iblis. Tant que le serviteur, il a des prières surrogatoires, il a des prières qu'il fait lorsque, par exemple, il est seul. Et le prophète, ensemble, nous exhortait. La taj'alou buyutakum maqabir. Par exemple, le prophète disait, ne faites pas de vos maisons des cimetières. De sorte, il faut prier chez soi. Dans la maison, il faut prier. Bien au contraire, en réalité, les prières surrogatoires sont meilleures fil bayt. Fil buyut. Donc celui, par exemple, qui fait des prières surrogatoires chez lui, c'est une protection aussi pour ses prières obligatoires. En plus, le mérite de cela, lorsque la personne est seule, chez elle, loin du regard des autres, il prouve sa sincérité avec Allah Azza wa Jal. Et donc les prières surrogatoires sont très importantes. De ce fait, on voit beaucoup de savants qui ont écrit dans le domaine. En l'occurrence, on avait déjà lu, par la grâce d'Allah, un livre concernant les règles des prières surrogatoires du Cheikh Mohamed Bezmoul, si les frères se rappellent. Un très beau livre qui a même été traduit sur toutes les règles. Enfin, pas toutes les règles, mais sur les mérites des prières surrogatoires et que sont les prières surrogatoires avec la définition et une explication sur Ar-Rawatib. Sur les prières Ar-Rawatib, je recommande vivement les frères de, par exemple, de revenir à ce genre de livre qui nous parle justement des prières surrogatoires, que sont les prières surrogatoires, comment les accomplir, les sunnans par rapport à cela. Si Allah nous le permet et on a la possibilité, on essaiera de faire une assise sur les prières surrogatoires. Qal al-musannif rahimahullah. Après que l'auteur ait cité ce hadith, dont on vient de mentionner les références du récit. Ensuite, en ce qui concerne darajat al-hadith, wallahu a'lam. En bas dans les annotations, ils n'ont pas mis le jugement des savants concernant le récit, sur l'authenticité du récit. Ce qu'il y a, c'est la référence. On peut le retrouver dans le recueil de At-Tirmidhi, Wan-Nasa'i, Ibn Majah. Après le jugement des savants contemporains, on fera une recherche, on essaiera de revenir sur le jugement, à part si l'un d'entre vous a une information sur le jugement, enfin, falyufidna. Wan Abdillah ibn Amr, radiallahu ta'ala anhuma, qala, inna rajulan ja'a ila an-nabi sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam, fasa'alahu an afdalil a'mal, faqala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam, as-salatu. ثم قال ما قال الصلاة ثم قال ما قال الصلاة ثلاث مرات قال فلما غلب علي قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الجهاد في سبيل الله رواه الإمام أحمد وابن حبان. Ensuite l'auteur cite un autre hadith. Et pour apprendre les choses et se faire le rappel, il n'y a pas meilleur que lire directement les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Fi zaman al-salaf, c'était des assises que récitation de hadiths du prophète sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Un jour, un grand savant contemporain est venu nous visiter. Lorsque je dis il est venu nous visiter, c'est-à-dire les gens en France. Il est venu visiter les gens en France et pour faire un séminaire, un grand savant contemporain. Du moins, il est classé, enfin, il est considéré, fil mamlaka min hayt kibar al ulama. Et le shir était resté quelques jours. Et dans le programme qu'il allait donner, dans les cours qu'il allait donner, il y avait la lecture de Sahih al-Bukhari tous les matins. Tous les matins, il y avait la lecture de l'authentique de l'imam al-Bukhari. Et donc, c'était le shir qui allait faire le cours, l'authentique de l'imam al-Bukhari. Et donc, la majorité des gens qui étaient présents, c'était sur à peu près presque sur une semaine, majorité qui étaient présents, on s'attendait le matin à la lecture de Sahih al-Bukhari, bi-sharh, avec un sharh du shir, des fawaïd, des annotations, mashallah, avec dirasat al-matn, l'étude vraiment du texte. Et à la stupéfaction et l'étonnement de ceux qui étaient présents, le shir a commencé, il y avait un talib qui était là avec lui, il y avait un élève qui était proche, qui était là, et il a commencé à dire au talib de commencer la récitation. Il dit le premier hadith, le deuxième hadith, le troisième, et ça récite. Et en fait, c'était la récitation de l'Bukhari. On s'est dit peut-être la première matinée. Il récite peut-être une partie de l'Bukhari, ensuite, dans la deuxième matinée, il va l'expliquer. Et la deuxième matinée, pareil. Toute l'assise, c'était la lecture. Et le cheikh, il était assis. De temps en temps, très rarement, de temps en temps, il intervenait, faisait une annotation sur un terme en arabe, sur un mot qui était cité, ou de temps en temps, il pouvait intervenir s'il fallait corriger le lecteur. Sinon, le cheikh était assis et il écoutait. Il écoutait, et les toulab, ou ceux qui étaient présents à l'assise, ils étaient assis, ils écoutaient. De sorte que pendant toute la période où le cheikh il était là, tous les matins, le programme de l'Bukhari, c'était l'écoute des hadiths. Walam yatahaddas al-sheikh. Le cheikh il parlait pas. Il écoutait. Et le lendemain matin, il revenait, ça c'est le cheikh. Pareil, il écoutait le hadith. Et c'était des hadiths. Istafadna min hadha. De là, qu'est-ce que on profite de quoi? L'écoute des hadiths du prophète sallam. Et donc parfois nous on est vraiment focalisé sur les commentaires, on en oublie le metn, le texte en lui-même. Et c'est pour ça le fait souvent de prendre par exemple l'authentique de l'imam al-Bukhari et de lire les hadiths. On a fini le Bukhari, de prendre l'authentique de l'imam Muslim et de lire les hadiths. On a fini l'authentique de l'imam Muslim. Ensuite, par exemple, de prendre le Muwatta de l'imam Malik. De lire, par exemple, les récits. C'est une très belle méthode pour apprendre des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et lire des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Fi Bard al-Bilad, Inda Bard al-Mashayikh, c'est pour certains tulab al-ilm, c'est normal. Ils mémorisent, ils maîtrisent al-Bukhari ou al-Muslim, c'est normal. C'est pas quelque chose d'exceptionnel pour eux. Bard talabat al-ilm, après la mémorisation du Coran, ils commencent al-Bukhari. Et ils commencent Muslim. Bukhari, ensuite ils font Muslim. C'est pour ça que certains ensuite ils avancent. Kutub as-sitta ils font. Et pour certains tulab, ils ont mémorisé le Bukhari Muslim, c'est pas quelque chose, pour eux c'est normal. C'est pas quelque chose, pour nous c'est quelque chose d'exceptionnel. Mais inda ba'd talabat al-ilm, la mémorisation des hadiths, ils mémorisent le Bukhari Muslim chez inda ba'd al-mashayikh. Vous allez chez certains savants, il te dit mada hafiz, qu'est-ce que tu as mémorisé? Tu lui dis hafiz al-Bukhari wa Muslim, il va pas être étonné. Pour lui, c'est normal que Tullab yahfadhoun. Il mémorise. Nous, on parle pas de mémorisation, là. Nous, on parle de lecture. Si déjà, nous, à notre niveau, on arrive à lire, on arrive à ouvrir al-Bukhari et on lit, on se fait un programme, bien sûr, le Coran, un programme de lecture du Coran, et puis un programme de lecture des hadiths du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, programme de lire le Bukhari, par exemple, c'est que qara rasulullah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ou le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait. Le croyant, il n'a pas de doute. Les récits qui sont rapportés sont authentiques. Le prophète l'a dit. Ce qui est rapporté min al-af'al, le prophète l'a fait sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est comme cela qu'on commence à connaître le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un jour, un homme, nous relate le sheikh. Un homme, inna rajulan, ja ila nabi sallallahu alayhi wa sallam. Un homme est venu au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il l'a interrogé au sujet des meilleures actions. Regardez les questions à l'époque qui étaient posées au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quelles sont les meilleures œuvres? Vous avez vu tout ce qui nous est rapporté des questions que posaient les compagnons à l'époque au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous avez déjà vu une question irrégulière, chève, une question où il n'y a pas de faïda. On voit bien que toutes les questions que les compagnons posaient au prophète, sans salam, on voit bien al-faïda. Il y avait al-faïda jusqu'à aujourd'hui. On profite de ces questions, on se dit alhamdulillah que les compagnons ont interrogé au sujet de ces sujets-là. Tandis que nous, parfois, on a très peu l'occasion d'être proximité d'un cheikh, d'un savant, et les premières questions qu'on pose, c'est quelque chose sur quelque chose qui ne nous regarde pas. Il n'y a aucune faïda sur la question. Jusqu'à ce que même certains savants ils disent, si tu connais la réponse, ou bien ils disent, connaître la réponse ou ignorer la réponse, ça nuit en rien. La yadur. Il n'y a aucun tort d'ignorer la réponse ou de connaître la réponse. Tellement qu'il n'y a pas de faïda. Là, regardez, le compagnon, il interroge. Il dit, ya Rasulallah, quelles sont les meilleures œuvres? Le prophète Ansam lui dit, la prière. L'homme dit ensuite au prophète Ansam, et après? Ya Rasulallah, et après? Il lui dit, mah. Le prophète Ansam dit, as-salah. Et l'homme dit, faqala, mah. À l'époque, on dit, et ensuite, ya Rasulallah, et quoi? Le prophète de dire, as-salah. Trois reprises, la prière. La prière. La prière. Thalath marrat. Et c'est là qu'ensuite l'homme dit, falamma ghalaba alayhi, qala Rasulullah. Ensuite, lorsqu'il insista, ensuite le prophète, ça me dit, al-jihadu fi sabilillah. Après qu'il ait mentionné trois fois la prière. Al-hadith rawahu al-imamu Ahmed. Ce hadith est rapporté dans le musnad de l'imam Ahmed. Wa ibn Hibban. Wa ibn Hibban. قال صلى الله عليه وعلى اله وسلم. Ensuite le cheikh il mentionne un autre hadith où il rapporte que le prophète sallam a dit istaqimu wa lan tuhsu wa'lamu anna khayra a'malikum as-salah wa la yuhafidhu 'ala al-wudu' illa mu'min. Dans cet autre hadith il est rapporté que le prophète sallam a dit: adoptez la droiture. Istaqimu. Soyez droit. Al-istiqama. Al-istiqama, c'est d'être mustaqim. C'est d'être sur la droiture. Comme il est dit dans le verset, inna alladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu. Tatanazzalu alayhim al-malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Vous avez vu ? Inna alladhina qalu rabbuna Allah. Ceux qui diront ou qui ont dit Allah est notre Seigneur. Thumma istaqamu. Ensuite, istaqamu. Ils sont mustaqiman. Ils sont droits. Ils sont sur le chemin de la rectitude. Et regardez la cohérence qu'il y a entre les hadiths et les versets. Dans le verset, Allah Azza wa Jalla nous dit : ceux qui diront قالوا ربنا الله allez notre Seigneur ثم استقاموا et qui seront droits, qu'est-ce qui se passe? Allah nous dit pour eux تتنزل عليهم الملائكة, les anges descendent sur eux. Dans l'interprétation du verset, certains savants ont dit, parmi les choses qui ont été dites, ils ont dit c'est lorsque l'homme est proche de la mort, il est proche de la mort, à ce moment-là, lorsque l'homme va mourir, il est proche, il va quitter son monde. Vous savez, lorsqu'on quitte ce monde, la personne quitte ses bien-aimés. Il va quitter tout ce qu'il possède. Imaginez-vous une personne toute sa vie. Il a œuvré toute sa vie. Il a travaillé, il a fait des projets, il a investi. Que ce soit dans sa vie professionnelle, travail, financièrement, mais aussi dans une famille. Il a fondé une famille, il a eu des enfants. Au moment de mourir, c'est qu'il va tout quitter. Et lui, il quitte tout, mais il ne sait pas où est-ce qu'il va. L'être humain meurt, ne sait pas où est-ce qu'il va. C'est-à-dire, dans le sens, ne sait pas où est-ce qu'il va. Il sait qu'il va vers Allah, Azza wa Jal. Mais il ne sait pas ça, son futur. Est-ce qu'il va vers la félicité ou il va vers un châtiment? Il ne sait pas. Est-ce que Allah Azzawajal est satisfait de lui? Est-ce que Allah Azzawajal l'a agréé? Radiallahu an, il ne sait pas. À ce moment-là, le croyant, lui, il peut être touché d'une peur. On ne sait pas où qu'on va. La personne va quitter tous ses bien-aimés. Il va quitter tout ce qu'il possédait. Il va se retrouver seul. Et ensuite, vous connaissez, après la mort, il faut se dire la vérité. Après, c'est les abîmes de l'oubli. La personne ensuite va sombrer dans les abîmes de l'oubli. Il sera oublié. Beaucoup de gens ont pleuré leur mort, mais après ils font leur deuil. Même des bien-aimés ont fait le deuil, mais la personne ensuite se retrouve seule. Ensuite, elle est oubliée. Même ceux qui l'aimaient tellement commencent à vaquer à leurs préoccupations. Ils continuent le cours de la vie. Et avec les décennies qui passent, le temps qui passe, les gens ensuite sont oubliés. Des gens qui détenaient des fortunes, des royaumes, des gens qui avaient un règne sur des contrées entières, on ne les connaît pas. Certains même ne sont même pas évoqués dans les livres d'histoire. Ils sont inconnus. Ils sont oubliés. Les abîmes de l'oubli. Certains ne sont pas oubliés. De grands ulamas, de grands savants qu'on laissait la science profitable jusqu'à aujourd'hui, on mentionne leur nom. Allah fait ce qu'il veut. Mais en règle générale, l'homme ensuite, il va sombrer dans les abîmes de l'oubli, il va être oublié. Il est mort, il est oublié. Donc au moment de mourir, la personne lorsqu'il va mourir, il peut être touché par une peur, par une crainte, par une tristesse. Là, tatanazzalu alayhimul malaikatu, des anges descendent à lui, descendent vers lui. Alla takhafu wa la tahzanu. N'ayez pas peur. Ne soyez pas attristés. Regardez les anges. Pour qui? Alladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu. Ceux qui ont dit Allah est notre Seigneur, wastaqamu. Ils ont été droits. Alors eux, des anges viennent à eux et leur disent, les anges descendent sur lui, Alla takhafu wa la tahzan. C'est pour cela que ça, c'est une annonce immense dans de nombreux versets. Comme Allah Azza wa Jal dit au prophète, sallam, nous t'avons pas descendu le Coran pour que tu sois malheureux. Allah veut pas de nous qu'on soit malheureux. Mais Allah nous dit, celui qui suit sa guidée, point de crainte pour lui et point de tristesse. Vous avez vu, Allah souvent mentionne point de crainte et point de tristesse. Ni il n'aura peur, ni il n'aura de tristesse. Pourquoi? Parce que le croyant peut avoir peur. Il peut être triste aussi. Il va être attristé. Certaines choses qu'il aura voulu, qu'il n'a pas pu faire, par exemple. Mais les anges descendent. Allah takhafu wa la tahzanu. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Et accueillez cette bonne nouvelle de ce paradis qui vous a été promis. Subhanallah. L'iman. L'iman qala Allahu Rabbi. Thumma istaqam. Le croyant peut que être heureux. Ensuite, les anges disent même, Nahnu awliya'ukum fil hayati dunya fil akhir. Les anges disent même, nous sommes vos alliés dans cette vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Ils sont alliés du croyant. Subhanallah. Et regardez dans le verset, Inna alladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu. Regardez dans un hadith. Un jour, un homme est venu au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il lui a dit, Ya Rasulallah, awsini. Fais-moi une recommandation. L'homme voulait une recommandation du prophète Ansem. Qu'est-ce que le prophète Ansem lui a dit? Qul Rabbi Allah thumma istaqim. Dis Allah et mon Seigneur thumma istaqim. Exactement comme dans le verset. L'importance de dire Allah et mon Seigneur. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam rasulan. Ça on doit le dire dans les invocations du matin et du soir, trois fois. La récompense est immense. Et donc celui qui dit Allah est mon Seigneur, thumma istaqam, comme le prophète lui a dit à l'homme qui l'a interrogé. Vous avez vu encore les questions qui étaient posées à l'époque du prophète, Sam? Des questions jusqu'à aujourd'hui, on profite. L'homme dit, fais-moi une recommandation. Le prophète lui a dit, dis Rabbi Allah ثم استقيم. Si un homme vous demande de lui faire une recommandation, une personne, un frère vient à vous, il dit fais-moi une recommandation. Qu'est-ce que tu lui recommandes? Tu peux pas faire une meilleure recommandation que la recommandation du prophète. Dis-lui, قل ربي الله ثم استقيم. Dis Allah est mon Seigneur et sois droit. Parce que si tu es droit, comme dit Allah Azza wa Jal, تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا. Au moment que la personne pourra être touchée de peur et de crainte et de tristesse, les anges descendent. أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا. C'est vraiment un verset qui est immense. Et c'est vraiment des textes qu'on a besoin de méditer et de lire. Donc, lisez dans les hadiths du prophète où il y a des recommandations qui sont immenses. Regardez une recommandation aussi. Un jour, un homme va à ton prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et dit, Ya Rasulallah, fais-moi une recommandation. Il demande au prophète de le conseiller. Fais-moi une recommandation. Regardez ce que va lui dire le prophète. Et ces recommandations, elles nous servent à nous aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui. Toutes les générations de croyants ont besoin de ces recommandations. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui a dit, Amsik alayka lisanak, wal yasa'ka baytuk, wabki ala khati'atik. Il lui a dit, le prophète lui a fait une recommandation qu'il faut écrire avec de l'encre en or. Même si chez vous, parfois, vous avez un petit tableau, hadith du jour, vous écrivez le hadith du jour, et chaque jour, vous écoutez. Si c'est dur par jour, par exemple, tous les trois jours, par semaine, vous mettez un hadith pour la famille, et même une semaine, toutes les semaines, par exemple, chez vous, vous avez un petit tableau, vous mettez le hadith de la semaine, où la famille, ils apprennent ce hadith. Mettez par exemple ce hadith. Le prophète a dit à cet homme, Amsik alayka lisanak, retire ta langue, que ta maison te suffise et pleure tes fautes. Wa khassatan fi zaman al-fitan. Et surtout en période de trouble, on a besoin de cette recommandation. Si tu vois que ta maison te suffit, tu te sens bien dans ta demeure. Avant, retiens ta langue, dit le prophète. Si tu arrives à retenir ta langue, et te recueillir, tu es bien dans ta demeure, et tu arrives à pleurer tes fautes, alors ça c'est l'issue favorable, c'est la sauvegarde, c'est le sauvetage, c'est le Naja. Pourquoi? Parce que c'est le prophète en somme qui l'a recommandé. C'est pour ça que dans les premières générations, un grand imam, si je me souviens, c'était l'imam Sofiane Thaouri, vous savez Sofiane Thaouri, c'était tellement un grand imam, il était connu pour sa piété. Un jour, il y a un gouverneur qui le recherchait. Il y avait un gouverneur de l'époque, il le recherchait partout. Il était très en colère contre Sofiane Thaouri, contre le grand imam. Mina immati salaf. Pourquoi? Parce qu'il lui avait demandé de prendre la fonction de juge. Et lui ne voulait pas. Il ne voulait pas prendre la fonction de juge. Il faisait partie des plus grands savants de la société à l'époque. Et donc le gouverneur à l'époque, si je ne me trompe pas, c'est à l'époque de Dawla al-Abbasiyya. Il avait demandé de prendre la fonction de juge. Il lui avait refusé. Et ça, c'était une épreuve pour de nombreux grands imams. Ils ont été éprouvés. De nombreux grands imams, à l'époque, ne voulaient pas prendre la fonction de juge. Pourquoi? Parce que la fonction de juge, c'est une grande responsabilité. Et sur trois, deux vont en enfer, un dit la vérité. Et al paradis, si je ne me trompe pas sur le hadith. Et lui, comme d'autres grands imams, comme c'est rapporté d'Abu Hanifa, c'est rapporté de d'autres grands imams, ont refusé de prendre la fonction de juge. Ils ne voulaient pas. Vous savez, jusqu'à aujourd'hui, certains savants contemporains, l'auteur même du livre, Cheikh Mohammed ibn Salah al-Uthaymin, a refusé. Il lui avait été proposé, hein, au royaume, de faire juge la fonction de qadi. Il est dit qu'il a refusé. Il a refusé cette fonction. Certains savants l'ont refusé à l'époque. Donc, le gouverneur avait insisté jusqu'à l'avoir menacé. Il l'avait obligé de prendre la fonction. Donc ensuite, il s'est sauvé. Il s'est sauvé. Et sur son voyage, lorsqu'il s'est sauvé, il s'est rendu vers la Mecque pour aller se réfugier à la Mecque. Et sur son voyage, à un moment, il a travaillé pour un homme dans il a travaillé dans un jardin pour un homme, où il devait garder les fruits et autres. Ensuite, à un moment donné, ils avaient vu que lui n'avait jamais mangé des dattes du jardin, des fruits du jardin, jamais. Et à un moment, lorsqu'ils ont vu, après un dialogue, que lui, il avait dit « Non, j'ai jamais touché, tant que j'ai pas eu la permission », ils lui ont dit, c'est une expression, ils lui ont dit « Arrête de faire le saouli ». C'est pour ça que je vous ai raconté cela. « Arrête de faire le saouli ». C'était connu, Sofiane al-Thaouri avait une renommée, une réputation de pieux, de vertueux. Pour eux, c'est pas Sofiane al-Thaouri. Mais ils ont dit à l'homme, parce qu'ils savaient pas, ils ont employé un homme pour qu'il travaille dans leur champ, et quand ils ont vu sa piété, ils lui ont dit « Arrête de faire le Thaouri. Te prends pas pour Sofiane al-Thaouri. » Ils savaient pas qu'en face, c'était vraiment l'imam Sofiane al-Thaouri. Ils savaient pas eux. Sauf qu'ensuite, il y avait un homme qui était là, lui il s'est dit mais si c'est pas l'imam en fait, Sofiane al-Thaouri, et il savait qu'il était recherché, il y avait une rançon. Donc ensuite, ils l'ont dénoncé. Mais lui était très très perspicace et intelligent. Il s'était déjà sauvé. Jusqu'à ce qu'il s'est rendu à la Mecque. Il s'était rendu à la Mecque. Pourquoi je vous ai dit Sofiane al-Thaouri, le grand imam? Non, parce qu'il y a une célèbre parole de lui. Imaginez-vous, on est dans les premières générations, dans les premiers siècles. Il dit une célèbre parole, très bien. Très belle parole, il disait « Nahnu fi zaman al-sukut, wa luzum al-buyut, wa rida bil-qut hatta an-namut. » Il disait une très belle parole. « Nahnu fi zaman al-sukut. » Il dit « Nous sommes dans une époque de silence. » Faut pas trop parler. Ça nous fait penser à là. Et comme eux, ils ont pris la science des hadiths du prophète, sallam. Nahnu fi zaman al-sukut. Faut faire attention à sa langue. Dans les premières générations, il dit ça. Qu'est-ce qu'on devrait dire, nous, aujourd'hui? Alors, il disait aux gens, Nahnu fi zaman al-sukut. Nous sommes dans une époque silence. Faut faire attention à ce qu'on dit. Waluzum al-buyut. Et revenir vers sa demeure. Rejoindre sa demeure, sa maison. Rejoindre sa demeure. وَرَضَى بِالْقُوتِ Et être satisfait de sa subsistance, de ce qu'on a. Être content, tout simplement. Être content de ce qu'on a jusqu'à ce que nous vienne la mort, il dit. Jusqu'à ce que nous vienne la mort. Ça, c'est des recommandations qui sont immenses. À plus forte raison, nous, à notre époque, ils font prendre cette recommandation du prophète, أَمْسِكْ عَلَيْكَ لِسَانَكَ Retiens ta langue. Retiens ta langue. Pour ça, un jour, un autre compagnon est venu voir le prophète, sallam, et dit, « Ya Rasoul, est-ce que tu as une recommandation à me faire ?» Le prophète a pris sa langue et lui a dit, « Retiens celle-ci. » Parce qu'en réalité, si vous regardez dans les péchés qu'on commet, beaucoup et de nombreux péchés se font avec la langue. Beaucoup. Le mensonge, quand on ment, c'est avec la langue. Quand on ment, c'est avec la langue. Quand on fait un namima, la calomnie, c'est avec la langue. La médisance, le riba, ou le namima, ou le bohten, le mensonge effronté, le mal avec la langue, certaines injustices, la vulgarité, c'est avec la langue. Parfois, el kufr, ou le shirk, c'est avec la langue. El muhim, les recommandations sont immenses. Istaqimu, il est rapporté du prophète Sansem qui dit, walan tursu wa'lamu anna khayra a'malikum as-salah. Donc, ce qui nous prouve l'importance de cette prière, il est dit que le prophète Sansem a dit, adopte la droiture, sois droit, même si vous n'en avez pas vraiment la capacité. Et sachez que la meilleure de vos œuvres est la prière. Seul le croyant est assidu aux ablutions. Regardez ce que dit le prophète Sansem, la yuhafiz ala al-wudu illa mu'min. Vous savez, un jour, il est rapporté, de grands imams, avant de mourir, on avait relaté la fois dernière cela, dans une assise précédente. Avant de mourir, il est rapporté de grands savants et théologiens de la nation, de la communauté, et disait aux gens, soyez témoins que je n'excommunie personne de la nation. Excommunier, c'est-à-dire faire l'anathème, je ne sors personne, je juge personne de la nation de kafir, de mécréant. En citant ce hadith, parce que le prophète a dit La yuhafidhu ala al-wudu illa mu'min. Personne ne va préserver ses ablutions si ce n'est un croyant. Donc, ici, en fait, c'est un rappel pour faire attention de ne pas tomber dans ce qu'on appelle le takfir. De juger hâtivement une personne en pensant qu'elle est sortie de l'islam, il n'est pas musulman. Pourquoi ? Parce que le prophète s'en dit si tu te trompes, ce jugement-là revient sur l'un des deux. Ça revient sur toi. Si tu sors de l'islam une personne en disant Fahada, c'est pas un musulman celui-là. Regardez la langue. Par exemple, tu dis on te parle d'une personne et toi tu as de l'aversion pour cette personne. Et tu dis mais celui-là c'est pas un musulman, c'est un hypocrite. Tu es sûr qu'il n'est pas musulman ? Le prophète sallam dit nul ne préserve ses ablutions si ce n'est un croyant. S'il fait les ablutions, il est croyant. Et c'est pour ça, la langue, faire attention. Pourquoi ? Parce qu'il suffit que tu as de l'animosité, tu n'aimes pas quelqu'un, tu dis, celui-là, c'est pas un croyant. Et ça, souvent, on l'entend. Et des fois, on ne pèse pas les mots. Munafiq, c'est une parole très, très lourde. Vous savez, même la parole, parfois, on ne s'en rend pas compte. Le fait de, par exemple, de dire un tel... parle d'un tel, la personne parfois il a eu un litige avec une personne et il dit ah un tel c'est pas une personne bien un tel comme certains disent moi je te le dis écoute moi un tel il est pas bien un tel par exemple c'est une personne qui fait la fornication fait l'adultère il trompe son épouse si la personne dit ça, juste il dit, cet homme-là trompe son épouse. Ou parfois, il parle d'une femme, souvent, on voit dans les quartiers, il parle de femme, il dit, ah celle-ci, elle n'est pas bien, elle trompe son époux. Vous savez, ça c'est du qaf. On ne s'en rend pas compte des fois. La personne-là, il a fait ce qu'on appelle el qaf. C'est très grave. Si ce n'est pas vrai, cette personne, déjà, son témoignage, on ne le prend plus. Et dans le Coran, Allah Azzawajal parle de cette catégorie de gens. C'est pour ça que les paroles, les jugements, il faut faire très attention aux jugements qu'on porte sur les autres. C'est pour cela que la règle très importante, fattish nafsek, regarde ta propre personne déjà. Et donc, avant de juger les autres, il faut faire très attention aux mots qu'on emploie. سئل صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن عمل يدخل الجنة. Regardez encore une sous-elle. Le prophète صلى الله عليه وسلم fut interrogé au sujet de l'œuvre qui fait rentrer au paradis. Billahi alaykoum. Est-ce que nous parfois, lorsqu'on voit des savants, nos questions c'est ça, Yashir, recommande-moi une action, je rentre au paradis avec cette action. Parce que c'est ça qu'on veut nous en fait. Nous on veut l'agrément d'Allah, nous on veut le paradis d'Allah Azza wa Jal. Et il n'y a pas de temps à perdre. C'est-à-dire, il faut savoir qu'est-ce qu'il faut faire. Il faut cibler les bonnes actions. C'est ce que faisaient les compagnons. Regardez, les recommandations qu'ils demandaient. « Ma afdal al-armal » Quelles sont les meilleures actions ?« Ya Rasulallah awsini » Regardez. « Su'ila al-Rasul sallam an amalin yutkhilu al-jannah » Le prophète, là, il est interrogé au sujet d'une action qui fait rentrer au paradis. Qu'est-ce que va dire le prophète ? Sma'u, et ce hadith-là, il est rapporté par Muslim. Il est rapporté dans l'authentique de l'imam Muslim, que vous pourrez retrouver dans le livre de la prière. Fi babi fadl as-sujud, dans le chapitre Le mérite de la prosternation. Le prophète Hassan a dit Alayka bi kathrati sujud lillahi azza wa jal. Le prophète a dit عليك بكثرة السجود لله عز وجل فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. الحديث رواه مسلم. Dans une traduction approchée de ce hadith, le prophète lui répondit: Tu dois te prosterner souvent devant Allah, car pour chaque prosternation que tu accomplis devant lui, Allah t'élèvera d'un degré et t'efface un péché. et donc multiplier la prosternation. Ça, par exemple, le prophète sallam, il a dit cela lorsqu'il fut interrogé sur l'œuvre qui fait rentrer au paradis. Ça veut dire que la prosternation, ça fait partie des œuvres qui te font rentrer au paradis. Vous savez, il y a des grands imams, parmi les pieux prédécesseurs, ils avaient carrément des laqab, des surnoms. Il y avait un pieux parmi les pieux prédécesseurs, il avait le surnom de As-Sajjad. As-Sajjad. Tellement les gens le voyaient tout le temps prosterné. Les gens le voyaient tout le temps prosterné. Jusqu'à lui ont donné le surnom, le prosterné. Ils ont vu un homme pendant, c'est pas, ils te jugent pas à l'époque, ils ne jugeaient pas l'homme sur une année. Il est motivé une année. Nous, c'est ça souvent qui nous touche. On a une motivation une année, deux années, ensuite, on ne sait pas aller où la personne. Eux, ils sont jugés sur des décennies, des décennies. Celui-là était connu prosternation. Souvent prosternation, les gens le voyaient. Ils lui ont donné le surnom, le prosterné. Il y avait un autre homme, ils l'ont connu depuis des décennies, il n'a jamais manqué, As-Saf al-Awwal. Ils l'ont surnommé As-Safi. Il est appelé comme ça. Quand ils le voyaient, ils disaient As-Safi. Le rangé. C'est littéral, traduction littérale. دعوتي تامة والصلاة القيمة محمد الوسيلة والفضيلة بعث محمد الذي مات الحمد لله. Là on a fini les récits que mentionne l'auteur sur les mérites de, et les bienfaits de la prière. Donc là on a mentionné quelques hadiths sur les mérites et les bienfaits de la prière, mais le cheikh il dit les récits. Lui, il a mentionné quelques récits. Mais, وَإِلَّا فَهُوَ قَالْ وَهَذِي الْأَحَادِيثُ فِي فَضْلِ الصَّلَاةِ قَلِيلٌ مِنْ كَثِيرٍ اِقْتَصَرْنَ عَلَيْهَا خَوْفًا مِنَ التَّطْوِيلِ وَالْمَلَلِ. Il dit, en vérité, j'ai mentionné quelques hadiths, mais sinon, il y a beaucoup de hadiths sur le sujet, vantant les mérites et les bienfaits de la prière. Il y a de nombreux hadiths. Mais lui, il dit, je me restreins à citer quelques textes pour pas être trop long. Par peur d'être trop long, puisque vous avez vu, Shir ne va pas, on veut pas faire une encyclopédie là. C'est vraiment un livre court, concis, bref, pour qu'on apprend vraiment la prière. Pour apprendre vraiment la description de la prière. Sauf que bien sûr, dans les premiers chapitres, il part du mérite et du bienfait de la prière. Avant qu'on arrive au mérite, ou plutôt au chapitre où on va parler des conditions de la prière, des obligations de la prière, de la description de la prière bien en détail. Mais c'est très pertinent parce que l'auteur nous vante les mérites de la prière. Il nous fait part des mérites de la prière et ça va nous motiver justement pour vouloir l'accomplir cette prière comme il se doit. Elle est précieuse. Là, on commence à comprendre vraiment cet acte est précieuse. C'est pour ça qu'il conclut d'une manière très pertinente lorsqu'il cite le hadith concernant le mérite de as-sujud, le mérite de la prosternation et vraiment les bienfaits de la prosternation. Pour cela, si vous regardez, comme on a dit tout à l'heure, que certains, ils avaient des surnoms. Tellement ils étaient assidus, tellement ils étaient constants dans leur pratique, ils avaient des surnoms. Comme on a dit, l'un était surnommé As-Safi, l'autre était surnommé Al-Sajjad, et d'autres avaient des surnoms. Il est rapporté, lorsque vous lisez la biographie, c'est pour ça il est très bon de lire parfois des biographies. Il y a des livres de biographie. Même maintenant, c'est Alhamdulillah, la science est simplifiée, il y a même des traductions, où il résume. Il y a des traductions. Lisez la biographie d'anciens pieux prédécesseurs au niveau de la pratique. Même des fois, on a du mal à croire. Même des fois, c'est impensable. Même si vous faites le calcul, vous dites c'est pas possible. Par exemple, Ahmed ibn Hanbal, sans compter le niveau science. Déjà, au niveau science, il est rapporté qu'il mémorisait 1 million de hadiths. Million de hadiths. C'est immense. Combien, quand vous prenez l'authentique de... C'est juste pour se faire une idée. L'authentique de l'imam al-Bukhari, ça propose combien de hadiths? C'est des milliers de hadiths. 7000, à peu près. L'authentique de l'imam al-Bukhari. Imaginez-vous, c'est des milliers de hadiths. Ça n'atteint pas les 10 000 hadiths. 5000 hadiths, 7000 hadiths. Imaginez-vous, lui, Ahmed ibn Hanbal, avait mémorisé, il avait recueilli, compilé, ils disent qu'il a mémorisé 1 million de hadiths du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. L'imam al-Bukhari aussi, il avait mémorisé des milliers et des milliers de hadiths. Lui, à un moment, il dit même qu'il pouvait réciter 200 000 hadiths du prophète comme il récite « Qul huwallahu ahad ». 200 000, et à l'époque, comme il récite « Qul huwallahu ahad ». Et à l'époque, c'est « bi al-asanid », c'est pas juste le « al-matn », « bil-isnad ». Ça c'est le côté ennemi. Sinon, si vous lisez le côté as-suluk ou al-ibada, c'était des vrais dévots. Ahmed ibn Hanbal, il y a quelque chose d'incroyable qui est rapporté à son insu, ou plutôt à lui, qui lui est rapporté. Il disait qu'il priait, juste ses prières surrogatoires, certains rapportent qu'il priait 300 prières surrogatoires par jour. Si vous comptez au niveau du temps, c'est quasiment... C'est incroyable, c'est impossible. Vous avez vu, lorsqu'on a parlé de... Chir, il a calculé 50 prières. Si 50 prières, on calcule, elles font à peu près 15 minutes. On a dit déjà, ça donnait 12 heures et 30 minutes. Si vous faites 50 prières, puisqu'on avait dit au départ, elles ont été prescrites, les 5 prières, 50 prières. Si on fait 50 prières, et juste une prière, elle fait 15 minutes à peu près, ça donnerait 12h30 et 30 minutes. 12h et 30 minutes. Imaginez-vous que l'imam, il est rapporté qu'il faisait 300 prières surrogatoires. On ne parle pas des obligations. Surrogatoires. Imaginez-vous qu'à l'époque, les prières, il est rapporté de grands imams que c'était des inclinaisons qui prenaient du temps. Des prosternations qui prenaient du temps. D'ailleurs, à l'époque, plus tard, là, on arrive au 8e siècle. À l'époque de Ibn al-Qayyim, les gens se plaignaient. Ibn al-Qayyim, les gens se plaignaient. Ils disent, ils le décrivent comme étant une personne qui faisait de longues inclinaisons, de longues prosternations. Et sur ça, il était connu. Et les gens se plaignaient. Et il est rapporté qu'il ne revenait pas sur ça. Les gens, et jusqu'à aujourd'hui, il y a des gens, vous pouvez même pas comparer, on peut même pas comparer nos prières avec eux. J'ai déjà rencontré un talab al-ilm, c'est le fils d'un cheikh. C'est le fils d'un cheikh et talab al-ilm mutamakkin. Et souvent, il remplace son père. Il remplace son père pour les prières, pour les jumu'ah et autres. Et lui, le fils, parfois, si. Il est jeune, hein. C'est un jeune... vraiment, il est jeune, hein. Il est jeune. Et si parfois, vous le voyez, il était en retard sur une rakaat, par exemple, il avait un retard sur une rakaat, la manière de rattraper sa rakaat, c'était ajib. C'était ajib. On ne peut pas concurrencer dans les inclinaisons, les prosternations. Ajib. Ils connaissent l'importance de ça. C'est pour ça qu'il faut lire dans les livres des anciens. Aujourd'hui, il y a des livres de biographie où beaucoup de passages sont traduits sur ça. Donc, on termine, on conclut avec ce récit qui est immense, où lorsque l'homme demande au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, « An amali yutkhilul janna » فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم عليك بكثرة سجود عليك بكثرة السجود لله عز وجل فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة رواه مسلم ثم قال المصنف وهذه الأحاديث في فضل الصلاة قليل من كثير اقتصرنا عليها خوفا من التطويل والملل. On continuera inchallah dans une prochaine assise. Ensuite, l'auteur il va continuer sur les bienfaits. Sur les bienfaits de la prière, inchallah, et il va mentionner différents points. Il va mentionner 1 2 3 7. Là, il a mentionné le mérite de la prière. Il va mentionner certains bienfaits de la prière. Il va citer 7 points concernant cela. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa barakallahu fikum.